Presidente berriak taldearen egitura aldatzeko borondatea azaldu du eta taldea urrunago eramateko presta agertu da. Hortaz, jadanik 300.000 euroko berkapitalizatzea egin du Olivier Bounet, Ormadiako presidente berriak, eta partaidetza berrien bila ibili da. On repart sur un budget qui est à peu près identique de l'an dernier. La société Stratum gère tout le côté partenariat, donc on a signé un accord, c'est une régie, c'est lui qui va gérer tout le partenariat et nous apporter le besoin qu'on a. Beste enpresa batek segurtatuko ditu partaidetzak, baina orain atxeman beharko dituzte. On s'est présenté à l'organisme qui valide les clubs en fonction du budget qu'il présente, donc lui il a garanti des rentrées avec du partenariat qu'il faut maintenant évidemment aller chercher. Diru sartze horien atzetik, klubaren struktura osoa hobetu nahi du presidenteak. Gehien bat gaztekiko, bera amateurren taldeko presidentea izan baita. Derrière, le but c'est que sportivement, de mon côté, en m'appuyant sur le manager et le nouvel entraîneur, on puisse amener et former des jeunes qui, sur le moyen terme, viennent renforcer les équipes avec de la jeunesse, certes, et du local. Horrekin beraz, ekipa sendotzeko borondatea erakutsi du, albezain urrun joateko sedearekin.